Voilà, c'est l'intempestive. Tout au début, je remercie d'abord Fréquence Paris Pluriel de m'avoir invité pour qu'on puisse converser sur ce petit document que j'ai pu écrire à la hâte pour montrer un peu mon le parcours que j'ai fait jusqu'à nos jours. Je me présente, je m'appelle Madame Ndiaye Silla et mon nom de mariage c'est Madame Dimera. Donc, je suis une mère de famille, mère de 6 enfants, et aussi suis médiatrice dans une grande association qui est l'APES, l'Association pour la promotion de la langue et de la culture. Nous avons ajouté Soninké puisque c'est une langue qui est parlée dans la sous-région ouest africaine, qui est le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Et une partie aussi de la Côte d'Ivoire. C'est une langue qui permet quand même à plusieurs immigrés de s'identifier à cette association qui est une association primitive puisqu'elle a 28 ans d'existence. Donc c'est une association qui a été créée avant que les familles soient installées. Et que c'est les hommes qui l'ont créé. Et au moment que les gens vivaient dans les caves, c'était la première immigration. Et c'était un moyen de se retrouver une fois par an pour faire la fête nostalgique, danser tout ensemble. Et c'est en ce moment que cette association a été créée. Donc c'est une vieille association, comme j'ai dit, primitive. C'est plus fort, mais c'est une vieille association. On va discuter en fait aujourd'hui à partir de ce livre que vous sortez en ce moment aux nouvelles éditions de la Francographie et qui s'intitule « De Radio Mauritanie à Fréquence Paris Pluriel, le parcours d'une journaliste au service de sa communauté ». Et ce qui nous intéresse justement aujourd'hui, c'est de revenir sur précisément sur ce parcours qui vous a amené du Sénégal jusque dans les locaux de FPP. Vous êtes originaire, en fait, Madame Silla, de la ville de Bakel, ouais, qui est dans le Sénégal oriental. Oriental. Donc, Bakel, c'est une ville ancienne, je vais dire ancestrale, qui fait partie des premières villes du Sénégal, donc qui se trouve au long du fleuve Sénégal, le fleuve Sénégal qui s'étend de Saint-Louis, de Mata jusqu'à Mata, mais qui continue jusqu'à Kaye, qui fait son embouchure sur le Bafoulabé, c'est-à-dire au Mali. Voilà, je suis née dans cette ville que j'ai tant aimée et qui n'est pas une grande ville, mais quand même une ville dont toutes les ethnies, tout le monde se sont côtoyés, que ce soit les Bambara, les Soninké, les Wolof, les Poular, qui nous a permis d'avoir plusieurs langues quand on est à Bakel. Je pense que tout jeune qui est né à Bakel parle quand même 3 à 4 ou 5 langues, puisque c'est une ville dont tout le monde vit ensemble, toute la jeunesse vit ensemble, se côtoie, sans frontières, sans distinction de maison, nous deux. Donc on a été élevés par toutes ces familles. Voilà. Et Bakel, ça se trouve au carrefour du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Et du Mali. Donc voilà, c'est peut-être un signe pour vous. Et vous vous retrouvez maintenant aussi au carrefour de toutes ces cultures dans le rôle que vous avez au sein de cette communauté. Voilà, donc Bakel est presque, comme vous le dites, carrefour, mais c'est quand même le central de ces trois pays. Puisque quand on traverse 30 mètres, même pas, puisque nous, quand on était jeunes, c'est à la nage qu'on traversait pour aller en Mauritanie. À la nage, et aussi, on faisait aussi la course, c'était intéressant. Et aussi, les jeunes de l'autre côté aussi, c'était pareil. Donc, à quelques kilomètres avec la pirogue, on est au Mali. Donc, vous voyez, donc, c'est un lieu de retrouvailles, voilà, de tous ces pays, quoi. Voilà. Et alors, vous êtes née, vous, dans une famille de cordonniers. Voilà. Est-ce que ça correspondait précisément à une profession ou plus à une fonction sociale plus générale? Voilà. Donc, la société africaine est constituée, détenue, pas de fonction. Donc, quand on dit cordonnier, c'est une ethnie qui a un rôle spécifique dans la société. Quand on dit griot, ce n'est pas seulement qu'on tape le tam-tam qu'on chante, non, pas seulement ça, comme on dit artiste. Non, il a une fonction spécifique dans cette société qui lui a été attribuée pour exercer ça dans la société, dans la ville ou bien dans le lieu dont on vit. Et aussi, quand on dit forgeron ici, c'est quelqu'un qui fabrique seulement des boucles d'oreilles ou autre chose. Nous, chez nous, les forgerons, ils ont ce métier, c'est un métier, c'est vrai. Mais aussi, ils ont un rôle spécifique dont ils jouent dans la société. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je suis fière d'être cordonnière puisque j'ai vu mes parents, mon père, ma mère qui nous ont appris pourquoi on est cordonnier. Donc, on avait un rôle très important dans cette société et qui s'est transformée aujourd'hui, petit à petit, comme toutes les autres sociétés que vous connaissez. Mais dans notre temps, les cordonniers avaient un rôle de médiation dans la société. La médiation, c'était le rôle de cette... C'est vrai, nous fabriquons des chaussures, nous fabriquons tout ce qui concerne l'armature des chevaux, et ainsi de suite, au moment des fêtes ou autre chose. Mais il y a autre chose qui était plus important. Tout ce qui est dans la société dont que ça se trouve que c'est des malentendus entre des familles, entre des chefs de village, entre même des villes et des villes. Donc c'était le rôle des cordonniers de faire les démarches pour pouvoir atténuer les tensions pour qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà, donc ce rôle était très important. Car dans nos grandes concessions, où il y avait tout le temps nos grands-parents, nos vieux grands-parents, que je me souviens maintenant, qui sont assis et qu'il y a tout le monde qui les entourait, ils sont là en train de converser sur des choses très importantes. Ces choses, c'est quoi? Sur des... Ils citaient les passés, le passé des gens qui ont fait quelque chose, qui ont uni, qui ont aidé les gens qui n'ont pas pu cultiver pendant la saison des pluies, qui n'avaient pas de quoi, et que ces chefs de village ont pu réunir des choses pour soutenir ces familles, et des gens qui ont pu, des chefs de village qui ont pu accueillir des orphelins, ces orphelins qui ont pu être soutenus pendant toute leur vie et aussi et qui ont pu fonder leur famille. Et donc, c'est des choses que c'était le rôle, c'était les grands parleurs de la société qui transmettaient les choses anciennes à la communauté. Et qui aussi, si je ne pars pas trop loin, qui étaient là pour réconcilier les gens. D'accord. Voilà. Il y a peut-être quelque chose d'irréconciliable au Sénégal au moment où vous étiez enfant, c'est que c'était sous une période coloniale durant votre enfance. Comment vous ressentiez ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... vous parlez en fait dans votre livre de l'école française notamment. Ouais. Donc voilà, donc, à mon temps, l'école c'était pour les chefferies. C'est pas tout le monde qui voulait aller à l'école, parce que l'école était presque, comme je peux expliquer, ce n'était pas dans notre culture. Donc, ça a été exporté de l'extérieur, c'est-à-dire c'est la colonisation qui nous a amené l'école. Et en ces temps, c'est les gardes qui partaient, les gardes républicains qui partaient dans les maisons pour voir les jeunes qui devaient partir à l'école. Donc, c'est pour cela quand le fils de marabout devait partir à l'école, pour lui, son enfant devait apprendre le Coran. Il donnait le fils de quelqu'un d'autre à sa place. Et que les femmes ne devaient pas partir à l'école, les filles. C'était pas du tout... Même les colons n'avaient pas pu insister pour que les filles partent à l'école. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école puisque mon père était un commerçant. C'est vrai, c'était un cordonnier. Mais comme il a perdu sa maman très tôt et que le père, sa maman avait laissé plusieurs enfants, il est parti très tôt à l'immigration pour pouvoir chercher, puisque les Soninkés ont tout le temps été des immigrés, et pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et il est parti, en ce moment, il est parti jusqu'en Côte d'Ivoire. Il est resté là-bas pendant plusieurs moments. C'est à son retour, peut-être, qu'il s'est marié et qu'ils nous ont eus. Le fait de sortir, comme disaient les grands, on dit tout celui qui a parcouru plusieurs pays ou plusieurs villages ou plusieurs villes peut converser avec quelqu'un qui a lu plusieurs livres. Et c'est pour cela, en ce moment, je pense bien, il a pensé que l'école qu'il a vue en Côte d'Ivoire, les gens qui partaient et qui étaient bien placés, il a pensé à nous mettre tous à l'école, que ce soit femmes, filles, on était tous à l'école, et qu'il tenait très bien qu'on puisse réussir dans cette société qui est la société, comme on disait, la société française. Voilà. Donc, c'est pour cela que je suis partie à l'école. Vous parlez de l'école des cases. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette école des cases? L'école des cases, c'est l'école de notre société. C'est pas maman et papa seulement qui éduquent. C'est toute la famille. Et c'est toute la ville, c'est tout le village, et même le passant éduque l'enfant. Et cette éducation se fait par étapes. Quand on est tout jeune, c'est le quartier, le village, c'est tout le monde qui est là pour éduquer l'enfant. Puisque la nuit, c'est les grands-parents, les vieux, qui se réunissent autour du feu, et que tous les jeunes du quartier se réunissaient avec ces vieilles ou ces vieux. Quand on pugeait quelque chose, on pugeait ce qui est bien et ce qui est le mal. C'est-à-dire, c'est une éducation orale. À la fin du conte, on connaissait ce qui était bien et ce qui était mal. On voyait ce qui s'était passé. Est-ce que c'était du bien ou du mal? Donc, c'était l'école sous l'arbre à palabres, dont les vieux se chargeaient à la base, c'est-à-dire de 6, 7 jusqu'à 8 ans. À partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, il y avait l'école des cases maintenant. C'est des lieux où se retrouvaient les jeunes. Puisque au moment, à partir de 12 ans, 13 ans, on n'avait pas ce contact direct avec nos mamans pour leur demander, on a eu nos règles, qu'est-ce qu'on devait faire? Il y avait ce tabou entre les filles et leurs mamans, la honte, le respect qui était tellement grandiose qu'on ne conversait pas de ces choses-là. Le sexe était tabou. Mais il y avait une autre ethnie qui était là, qui était en contact direct. En général, les cases se faisaient dans ces maisons. Donc, quand on a un petit problème comme ça, c'est lui, elle qui est là, qui expliquait, c'est ceci, c'est cela, c'est comme ça que vous devriez faire. C'est ainsi, ainsi, il nous disait pas mal de choses. Elle nous donnait même les noms des quand on sera, quand vous serez grande, vous serez des femmes. Mais ce n'était pas le rôle de la maman, ni l'école. L'école ne le disait pas, ni dans les écoles coraniques. Mais il y avait des lieux pour ça. Et les garçons aussi, c'était pareil. C'était pareil. Donc, il y avait les mêmes gens, mais des hommes qui leur parlaient, qui leur mettaient dans le bain avant leur mariage, qui leur montraient ce qu'il fallait faire. Voilà, donc c'est ça la case que je vous disais. Voilà. Thank you. toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'intempestive. Après Bassissoko, on revient à Madame Silla qui nous fait le récit de son parcours de journaliste et de femme depuis Bakel au Sénégal jusqu'à Fréquence Paris Pluriel. Vous abordez également dans ce chapitre sur la période de votre enfance la question de l'excision. Et vous y revenez d'ailleurs plus tard, puisque ça va devenir un élément sur lequel vous allez beaucoup éduquer, informer les femmes de votre communauté. Voilà, donc, comme je disais dans le livre, quand j'étais jeune, pour moi, comme c'était dit, comme on nous disait, toute fille qui n'était pas excisée n'était pas une femme. Une bonne femme devait être excisée. Pour que tu sois une femme, il faut que tu sois excisée. Dans toute ma jeunesse, c'était ancré dans ma tête. Et dans toutes les filles de mon âge ont subi cette vie arbitraire que je peux dire aujourd'hui, que je peux même dire inhumaine, cette mutilation qui peut-être que nos grands-parents, nos parents ne savaient pas. Et qu'on ne sait pas d'où ça vient, comment ça leur a été transmis, mais c'était comme ça dans leur tête, toute femme devait être excisée. Nous avons tous passé par là, la plupart de nos compatriotes, des femmes de mon âge, de toute cette société ouest-africaine, on passait par là. Et même lorsque je vais pas venir très tôt à Nouakchott après mon mariage et tout. Donc, nous tous, on pensait que l'excision, c'était l'idéal pour une femme. Parce qu'ils excisaient même des jeunes, des petits-enfants, au moment très, très jeune, qui n'avaient que 3 mois. Des petits-enfants qui n'avaient que à peu près, des fois, juste après la naissance, même pas une semaine, ces petits bouts de chou étaient excisés. Et ça passait des fois bien, des fois ça passait très très mal, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont laissé leur vie dans ça. Et ça se faisait arbitrairement, et puisqu'il y avait des ethnies aussi qui se chargeaient de ça, qui excisaient, qui faisaient aussi la circoncision des garçons. Donc, ça faisait partie de la vie et peut-être on dira demain ou après-demain, ça fera partie du passé. Mais c'était quand même la vie qu'on a vécue et qu'on sait que c'était très dur. Comment voilà. Est-ce que vous avez changé votre regard sur cette pratique? Moi, personnellement, c'est après avoir... puisque même au Sénégal... à l'école, les gens ne parlaient jamais d'excision. Ça n'a jamais été dans les écoles pour dire que l'excision ou bien les gens de la santé n'ont jamais parcouru ces écoles ou bien ces villages pour parler d'excision. Donc, c'est pour cela que les gens étaient dans cette obscurité totale. Les gens nous disaient que c'est l'islam qui disait, or que ce n'est pas vrai du tout, ça ne vient pas de l'islam. Les gens nous disaient, non, c'est notre vie contemporaine depuis la nuit des temps. Les femmes étaient excisées, puisque quand tu es excisée, tu pouvais rester plusieurs années attendre ton mari qui part dans l'aventure, puisque nos maris ont tout le temps été des aventuriers qui partaient loin pour chercher de quoi et revenir. Donc, une femme qui n'est pas excisée ne peut pas rester longtemps sans être avec un homme, et ainsi de suite. C'est pour cela, pour être une femme propre et tout. Mais ce qui m'étonnait, ni l'État, ni les services sanitaires, ni les sages-femmes d'État, et même les professeurs de la santé, n'ont jamais, en autre temps, je ne sais pas s'ils savaient, ou bien qu'ils ont eu peur de dénoncer cette chose que vous connaissez, ça n'a jamais été. Et moi, c'est après mon mariage, lorsque j'ai été Et à Nouakchott, j'avais fait ce concours pour rentrer à la radio. Et j'ai participé à un colloque dont on parlait de l'excision. Et ça, ça m'a un peu ouvert les yeux. Puisque avec les croquis aussi, tout ce qui a été affiché, j'ai vu que moi-même, j'étais comme ça. Après chaque accouchement, il faut qu'on soit agrafé ou bien cousu. Ou tout. Des fois même, on perdait beaucoup de sang, et ainsi de suite. Je me suis dit, et c'est le moment, c'est le moment. Et quand on n'ose pas, il faut oser pour pouvoir briser le silence. Il faut oser des fois. Peut-être on sera critiqué parce que c'est une société dont tout le monde connaît. Chaque société a ses critères, a sa façon de vivre, a sa dignité, a ses choses. Donc, mais si toutefois c'est des choses qui concernent aussi la vie, il faut oser les dire. Et c'est depuis ce jour que j'ai invité quelques gens et dont on a pu quand même parler de l'excision. Alors, on arrive justement à cette période de votre mariage qui va opérer une première rupture dans votre vie. Déjà, par cet événement qu'est le mariage pour vous, vous êtes très jeune à ce moment-là, vous avez 14 ans et demi. Et puis, en plus, ce mariage pour vous, ça signifie que vous allez en Mauritanie, puisque votre mari est mauritanien. Mauritanien, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Voilà, un peu. Donc, quand j'ai dit mauritanien, puisque avant le temps colonial, il n'y avait pas de frontière entre la Mauritanie, le Mali, la Gambie et le Sénégal. C'était le même pays. Donc, c'était les mêmes familles qui immigraient, qui partaient là. Si là-bas, c'est mieux pour eux, ils y restaient. Donc, nos familles étaient, la famille de mon mari était au Sénégal. Donc, comme c'est des cordonniers, ils sont partis en Mauritanie, plus précisément à Sidi Babi. Donc, ils ont commencé à exercer leur métier là-bas. Et que les gens qui étaient là-bas les ont bien accueillis puisqu'il n'y avait pas de cordonniers. Et qu'ils sont devenus les grands médiateurs de là-bas, ils sont restés. Donc, après la division de l'Ouest africain maintenant, il y a eu le Sénégal, le Mali, la Mauritanie. Eux, ils sont restés en Mauritanie. Nous, nous sommes restés au Sénégal. Mais c'est la même famille. Et après ça, maintenant, ce mariage, je vais vous raconter. C'est quelque chose de surprenant pour nous. Parce que nous, on ne décidait pas de notre vie. Notre vie était dans les mains des parents. C'est les parents qui décidaient. Ce n'était même pas les parents proches, tes propres parents qui décidaient. C'était les grands-parents qui étaient le noyau de la maison. Aussi, même pas de la maison, je dis, de toute l'ethnie. Donc, c'est eux qui décidaient, qui disaient, par exemple, telle fille, peut-être même 12 ans, même pas 12 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, on va la donner au fils de tel. Des fois, ça peut changer, mais en général, c'est rare. Et c'est comme ça que ça se faisait. L'homme étant jeune, la fille étant jeune, peut-être n'est même pas informée, c'est les parents qui sont informés. Et peut-être un jour, on peut t'en parler, tu vois ta mère qui est en train de s'affairer, de chercher des habits, des corbeilles, des choses, tout ce qu'il faut pour ta vie familiale, qui est en train de cultiver, vendre ce qu'elle a cultivé, si c'est une femme rurale, si elle fait un peu de commerce, elle est en train de s'affairer pour faire une valise, puisqu'il faut présenter des choses au moment du mariage. Tout ça, c'est la maman. Et aussi, elle est en train de chercher de quoi faire porter son enfant, c'est-à-dire les bijoux, les bracelets et tout. Tout ça, c'était des corvées pour les mamans qui n'ont pas assez de choses, mais qui ont quand même la dignité de dire le jour du mariage de ma fille, je veux que je ne sois pas, ou elle ne soit pas humiliée, qu'on ne dise pas qu'elle est partie les mains vides. un jour, on t'appelle, on te dit, on t'a donné au fils de déconner ta tante telle qui était venue ici telle année, il y a 2 ans de ça ou une année, ou qui est venu ici cette année. Voilà, son fils aîné, il est celui-là. Donc, c'est lui qui va te marier. Voilà, c'est comme ça qu'on était au courant de nos mariages en général. C'est pas comme la jeunesse maintenant qui choisit et qui voit s'ils sont bien ensemble ou pas et qui ont le droit de dire oui ou non. Non, on n'avait pas droit. La parole de la maman et du père, c'est sacré. On ne doit jamais dire non. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ça à 14 ans et demi? Voilà, c'était quand même un choc, puisque j'avais une ambition, c'est de continuer mes études, puisque j'aimais bien les études. Et que les arrêter en ce temps-là, c'était quelque chose de très dur pour moi. Et que le mariage, j'ignorais le mariage, puisque j'ignorais pourquoi, puisque pour moi, le Sahel, comme on le disait, la Mauritanie en ce moment, Saheli, on dirait le Sahel. Même chez nous, on est très proches, mais Saheli, pour nous, c'est très loin. C'est au fin fond du désert, puisqu'on ne voyait jamais des gens qui viennent du Sahel, que nos parents, des fois, qui venaient nous voir, on n'allait pas là-bas pour visiter. On voyait des fois des Maures qui venaient seulement vendre des jupes ou qui sont à califourchon sur le dos de l'âne avec des marchandises, des jupes ou bien des pains de quilles ou aussi d'autres choses ou du lait caillé qu'elles venaient, des femmes en général qu'elles venaient vendre au marché de Bakel. Et pour moi, c'est une coupure totale de cette vie que j'ai vécue. Car la jeunesse là-bas, c'était une vie de société. On était vraiment épanouis dans notre jeunesse. On a nos parents. Après les leçons, les filles qui partent ou qui ne partent pas à l'école, on se retrouvait sur la grande place du village. On chantait à cœur, on dansait. Il y avait le feu de bois qui flambait. Donc, c'était vraiment épanouissant. C'était vraiment beau. Et ce lien que j'ai tissé avec cette ville ancestrale qui est Bakel, dont je connaissais les coins et les recoins, toutes les familles, tous les jeunes, et toutes les filles et aussi tout ce qui est ma vie, c'était ma vie, mon attache et tout, le fleuve Don. Chaque samedi, on partait en groupe pour faire le linge sur le sable qui s'étendait à perte de vue et qu'on étalait nos habits propres, on nageait, on partait. Et de l'autre côté de la Mauritanie, on faisait la Corse. J'avais une belle vie de jeunesse, j'étais épanouie. Donc, ce fut un grand choc pour moi ce jour-là. C'était le jour le plus inoubliable, le jour que je ne peux jamais oublier. Vraiment, c'était un jour dont je me disais, je suis perdue. Et je suis perdue. Et donc, vous avez été propulsée comme ça, très brusquement, dans la vie adulte, dans un endroit que vous ne connaissiez pas, donc vraiment complètement coupée de votre enfance. Quel est le rôle qu'on attendait de vous, que votre mari attendait de vous en tant que femme et aussi jeune? Comme toute jeune, dès l'âge de 9 ans, 8 ans déjà, nous, ce que je disais, donc, la femme est adulte déjà à partir de 10 ans. Donc, la classe d'âge que je vous disais, on enseignait, il n'y avait pas d'enseignement, autre enseignement que l'enseignement de la famille, comment entretenir sa famille, comment entretenir ses enfants, comment entretenir ses beaux-parents, les liens, comment recevoir des étrangers, comment être propre, faire la propreté de sa concession, ainsi de suite. C'est ça qui était notre école. Notre école, c'est l'école ancestrale, l'école de la famille, l'école de l'entretien, l'école de la courtoisie, l'école de la tolérance, l'école du débrouille, l'école de... Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les jeunes filles, depuis l'âge de 5 ans, commençaient à aller en brousse avec leurs parents. Et on commençait même à apprendre la cuisine dès l'âge de 8-10 ans, vous voyez, donc à balayer la concession. Donc c'est ça qui était notre école. Donc chaque mère disait, il faut pas que ma fille se marie et que demain qu'on dit que ma fille n'arrive pas à tenir sa famille. Et une famille chez nous, ce n'est pas maman, papa ou autre chose. C'est une famille élargie. Quand on rentre dans une famille, on peut trouver les cousins, les cousines, les neveux, les enfants des neveux. Et aussi, la porte est ouverte en Afrique. La porte n'est jamais fermée. Tous les étrangers sont les bienvenus. Toute personne qui vient, il doit partager le peu que nous avions. Et que c'est la femme qui doit attacher la ceinture pour que tout soit mis en règle, pour que tout marche. Donc, c'est quand même une grande responsabilité qu'on devait apprendre activement, malgré nos petits mains, malgré nos petits pieds, malgré l'esprit qui n'est pas encore mûr, qui a autre chose, mais qu'il y a quelque chose qui est ancré dedans. Donc, tu dois arriver. Et quand tu n'arrives pas, tu n'humilies pas, non pas seulement ta mère, mais toute une société, c'est-à-dire toute la partie de la famille de ta mère. Parce qu'on disait, quand telle mère, telle fille chez nous, on ne dit jamais, si l'enfant réussit, c'est l'enfant de tout le monde. Mais si l'enfant ne réussit pas, c'est l'enfant de la mère. Est-ce que vous aviez dû interrompre vos études, que vous aimiez beaucoup? Voilà. Est-ce que vous étiez satisfaite justement de vous retrouver uniquement dans ce rôle d'épouse? Je voulais retourner un peu en arrière pour vous dire le jour que je devais quitter ce village, cette ville Bakel, pour traverser ce fleuve, le fleuve pour atterrir à Gorée, qui est juste en face de Bakel, qui est de la Mauritanie. Et que je voyais les tam-tams qui se résonnaient dans ma maison et que mes tantes et toutes mes copines sont là, qui dansaient, qui d'autres qui pleuraient. Et que moi, je suis là en train de pleurer pour dire que je vais partir, je vais quitter. Je vais quitter et je regardais chaque personne une à une et que je disais, est-ce que je vais les revoir? Et la partie qui est la plus dure, c'est ma vieille grand-mère que j'ai tant aimée, qui m'a tant enseigné, qui m'a tant donné, qui m'a tant soutenu, qui m'a tant raconté pas mal de choses, et que je me disais, est-ce que je vais la revoir? Donc, et que au moment venu, qu'on m'a pris tout habillé en blanc, avec un petit corbeille à la main, et que le visage tout camouflé, et que je devais descendre au fleuve pour prendre cette pirogue et partir à Mauritanie, qui est le Sahel. Et que durant tout le trajet que je pleurais, j'ai regretté tout ce jour-là. J'ai regretté tout pendant toute la semaine, la durée du trajet. Parce qu'une fois à Sidi Babi, il faut prendre l'avion pour aller à Nouakchott. Et c'est la première fois que je prenais l'avion. Et c'était quelque chose de très dur encore pour moi. Et voilà, je me suis dit, j'ai tout regretté, mais je n'ai jamais regretté. J'ai dit que je ne vais jamais laisser mes études. Peut-être je peux tout perdre dans ma vie, même si c'est une fois, il faut que je continue quand même ces études-là. Et à Nouakchott, justement, est-ce que vous avez pu reprendre des études? Oui. Donc, Dieu fait que je suis venue à Nouakchott avec une crainte, une grande crainte, la peur, le désarroi, comment on dit encore, je ne sais pas, Je peux dire, ce n'est même pas la peur, c'est-à-dire l'isolement. J'avais tout ça dans ma tête. J'avais quoi encore? Tout était étranger à moi, parce que c'est vrai, quand les familles ne vivent pas ensemble, on ne se connaît pas, donc je me étrangère. Après tout, la cérémonie de mariage qui a été bien fêtée aussi, comme d'habitude dans toute l'Afrique, c'est comme ça. Je me suis trouvée devant un homme que c'est un intellectuel et qui a fait ses études à Moscou, qui est imprimeur, et qui a fait l'imprimerie et qui est imprimeur typographe, voyez, et que Nouakchott, dont je pensais que c'était le Sahel, n'est pas la ville dont je pensais. Donc, je me suis retrouvée dans un lieu, dans un autre environnement, mais j'entendais la même langue et les mêmes modes de vie, les mêmes coutumes, et que je me suis trouvée avec une famille, ma famille, et qui sont devenues aussi une maman aussi pour moi. Et le plus vieux de la famille qui a pris la place de mon père, dont tous ses enfants faisaient l'école. Et la vie a changé. Je me suis retrouvée dans une civilisation quand même qui est un peu avancée. Et donc, je me suis vue, quand même, j'ai tenu mon rôle de mère de famille, je cuisinais comme toutes les femmes, puisqu'on était plusieurs femmes à la maison. Malgré ma jeunesse, je devais accomplir ma tâche de femme. C'est-à-dire, vous étiez plusieurs femmes, c'est votre mari qui était polygame ou... Non, parce que jusqu'à nos jours, mon mari est monogame, mais toute la famille vivait ensemble. C'est comme au village, toute la famille vivait. Donc le frère, le petit frère, le grand frère, toutes leurs femmes étaient à la maison. Ceux qui sont polygames ou monogames, les femmes cuisinaient à tour de rôle. Et chaque femme devait à son tour balayer, comme vous connaissez, rincer, cuisiner, et faire le linge. Vous voyez, donc c'est à tout. Chacun devait faire sa tâche normalement comme une femme. Qu'on soit petite, qu'on soit vieille, chacun devait arriver à faire sa part. Voilà. Et vous dites d'ailleurs que vous considérez ça comme une grande chance que votre mari était monogame. Voilà, c'est Comment une chance. vous perceviez et comment vous percevez aujourd'hui la polygamie? Moi, depuis, j'ai tout le temps dit que je suis contre la polygamie. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille polygame. J'avais dit que mon père était polygame. Peut-être, c'est une chance que il n'y a pas eu de. Il a pu quand même gérer d'une manière qu'il n'y avait pas eu de conflit, il n'y a pas eu de rancune. On a tous vécu dans une vie de fraternité. Mais je sais que la polygamie, c'est quelque chose de dur pour chaque enfant, pour chaque femme et même pour l'homme. Parce que la polygamie, il faut savoir, c'est dur en Afrique, surtout ici en France, parce que c'est une vie de concurrence interminable. Chaque femme devait faire tout pour être mieux que l'autre femme. Chaque femme devait faire tout pour que ses enfants soient mieux. Chaque femme devait faire tout, ou ensemble, on devait tout faire pour que les enfants soient comme ça. Donc, en général, si l'homme est bien, il peut prendre sa responsabilité, éduquer ses enfants, subvenir aux besoins de ses enfants, aux besoins des femmes, ainsi de suite. Au cas contraire, c'est la lutte perpétuelle entre les femmes. L'homme est tout le temps exclu. Donc, la rivalité, et au lieu de rivaliser avec l'homme qui nous a réunis pour qu'on puisse avoir une vie meilleure pour nous ou nos enfants, non, c'est cette rivalité entre nous, femmes, et entre les enfants. Donc, pour moi, la polygamie, c'est un choix de chaque personne. Moi, personnellement, c'est quelque chose de très dur dont on devait tous ensemble montrer que c'est une vie qui est vraiment absolument qu'on devait, je ne peux pas dire supprimer, mais quand même qu'on doit remédier, que ça diminue de jour en jour, comme l'excision. Sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'intempestive, on vient d'entendre Ali Farka Touré et on revient maintenant au récit de la vie de Madame Sylla. Alors on revient à Nouakchott où vous commencez des études de dactylographie et où votre mari vous incite, vous encourage un jour a postulé à Radio Mauritanie où il a entendu que on recherchait des jeunes femmes. Ouais, voilà. Donc moi, a priori, je voulais faire la santé. Je voulais faire le concours d'infirmière, mais mon dossier était prêt pour déposer. Mais entre-temps, pour ne pas rester, puisque comme c'est par tour de rôle, les jours dont je ne suis pas de tour pour faire la cuisine à la maison, au lieu que j'étais jeune, je me gênais de rester comme ça devant tout le monde. Mon mari m'a dit, je vais t'inscrire, tu vas faire la dactylographie juste à côté. Et c'est pas cher. En ce moment, c'était 1000 guias pour tout le mois. 1000 guias, ça faisait peut-être 2,50 euros ici, vous voyez. Donc, j'avais commencé la dactylographie. Ça me plaisait beaucoup. C'était très bien. Mais un jour, mon mari revenait de l'imprimerie. C'était la mode. Les hommes avaient des petits radios. Ils écoutaient le journal en descendant du travail. Il a entendu qu'il cherchait des jeunes femmes soninkées qui parlent français ou des jeunes femmes wolof, ainsi des langues nationales de la Mauritanie, pour faire un concours à la radio et qui seront des animatrices, ainsi de suite. Il est venu, je me suis dit, oh, moi, j'étais timide. Je me suis dit, non, ça c'est pas fait pour moi, ainsi de suite. Et comme il était plus malin que moi, en ce moment, il me disait, donc on va partir, il y a un lieu, tu vas visiter là-bas et tu verras si tu pourras voir. On est allé et c'était le jour du concours. On est allé, c'était la radio et j'étais accueillie par le grand animateur journaliste qui est décédé aujourd'hui, paix sur son âme. Il s'appelait Hamidou Soumaré. C'est lui qui m'a reçu. Et mon mari lui a expliqué que je ne voulais pas du tout. Et il a commencé à parler en soninké. Toi, tu es cordonnier. Vous êtes les médiateurs. Et tu devais quand même faire un essai de voix pour savoir si tu peux travailler à la radio ou pas. Et que la radio, c'est un lieu qui est très bien. Tu pourras communiquer avec tout le monde. Et ainsi de suite. Il m'a mis en confiance, étant très jeune, vous voyez. Et je suis rentrée comme ça dans le studio face, comme on est ensemble maintenant. Il m'a donné un test à lire. Je l'ai lu très bien. Ils m'ont dit que j'ai une belle voix. Et c'est comme ça que j'ai fait le concours, l'écrit et l'oral. Un mois ou deux mois après, j'ai entendu, on était en train de manger autour de notre grand bol. Chez nous, c'est comme ça, c'est le grand bol au milieu, tout le monde autour. Et ils ont fini les infos, ils ont dit, on vous donne la liste des gens qui sont admis au concours qui a été fait telle date, tel jour à la radio, et mon nom, et tout le monde entend mon nom ensemble. Et toute la maison était ébahie. Et moi-même, j'étais vraiment... je ne disais pas que j'étais contente, parce que je me disais, est-ce que je serai à la hauteur? Voilà, c'était ça. Radio Mauritanie, c'était donc où c'est toujours d'ailleurs, ouais. C'est une radio nationale. Ouais. Est-ce qu'il y en avait, il y avait d'autres radios à ce moment-là en Mauritanie? Non, il y avait que la capitale de la Mauritanie était à Saint-Louis. La radio Mauritanie était à Saint-Louis. Et après, c'est cette même radio qui a été transférée à Nouakchott. Il n'y avait qu'une seule radio, c'était la radio nationale mauritanienne. Et elle parlait en quelle langue? Donc, il y avait le Hassania, il y avait le Mour, il y avait... Puisque toutes les ethnies de la Mauritanie avaient leurs émissions, le Poular, le Wolof, le Soninké, et le Hassania, et aussi... Et la langue française qui est la langue arabe aussi. Voilà. Vous commencez à travailler à la radio. Mmh. Et qu'est-ce que vous y faites? Ils avaient demandé d'abord que je travaillais en soninké, à la section soninké. Et donc, ils nous ont demandé à chaque animatrice de créer une émission. Donc, une émission, donc on le disait en français ou en soninké. Mais moi, c'était le moment de l'éducation et de la sensibilisation des familles. Donc, ils ont dit à chaque animatrice, il y avait l'animatrice Wolof, Poular, Hassania, moi qui étais soninké, et arabe aussi. Ils ont demandé à chaque animatrice de créer une émission. Et que moi, après réflexion, j'ai donné Yakharendo Kagomaro. Yakharendo Kagomaro, c'est-à-dire la femme dans son foyer. Donc, le générique, c'était Yakharendo Kagomaro. Cela veut dire que c'est une Yakharendo Kagomaro, c'est-à-dire la femme dans son foyer. La femme dans son foyer, une émission que nous vous le ferons chaque jour, chaque matin à la Radio Mauritanie. Donc, il y avait l'heure et tout. Et donc, cette Yakharendo de Kagomaro a eu vraiment un grand succès jusqu'à que j'ai été un jour vraiment félicitée par le président Haïdallah. Mais, ouais. Et qu'est-ce que vous abordiez alors comme sujet dans votre émission? C'était tout ce qu'on ne pouvait pas aborder. C'était tout ce qu'on pouvait aborder. Tout ce que la femme, tout ce que la famille, l'homme et la femme, la vie de la femme, la vie de la famille, les enfants, l'immigration, les femmes qui restaient dans les maisons, dans les foyers et qui sont là en train d'attendre leur mari. Mais oui, c'est comme ça que s'arrête la première partie du récit de Madame Sylla. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une seconde partie que vous entendrez dans un mois sur FPP. Madame Sylla y parle de sa vie en France jusqu'à son arrivée à Fréquence Paris Pluriel. En attendant, vous pouvez réentendre cette première partie lundi en rediffusion de 11h à midi ou bien sur www.intempestif.net. Et à quoi vous a servi, Monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.